الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أشكر الله على نعمه العظيمة الكثيرة التي لا تعد ولا تستقصى قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال سبحانه واسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأوجب علينا شكر هذه النعم وأخبر بأن بشكرها تدوم وبكفرها تزول قال سبحانه وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وبعد ذلك يا عباد الله نحاسب على هذه النعم وأعظم هذه النعم يا عباد الله وأكبر هذه النعم يا عباد الله نعمة الإسلام نعمة الإسلام بأن جعلك الله سبحانه وتعالى مسلما مسلما موحدا لله رب العالمين فهي أكبر النعم نعمة على جميع الناس على وجه العموم ونعمة على المسلمين على وجه الخصوص نعمة الإسلام هذا الدين القويم دين الله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا اليوم كان يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين وبهذا أتم علينا النعمة فلا نحتاج إلى دين بعده ولا إلى نبي بعده صلى الله عليه وسلم فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فالخير باق ومستمر في هذه الأمة المحمدية بحمد الله تبارك وتعالى فهذا الدين دين كامل وشامل لجميع مصالح العباد بحمد الله تبارك وتعالى فلا مجال للزيادة ولا للنقصان ولا للإحداث في دين الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالويل لمن أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. فمن زعم أو ادعى بأن هذا الدين ناقص أو قاصر فهو مكذب لله سبحانه وتعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الدين هو الدين الذي رضي الله سبحانه وتعالى لنا. قال الله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو حبل الله المتين الموصل إلى مرضاته، إلى جناته سبحانه. فلا يرضى الله لنا دينا غيره. هو دين الإسلام، هو دين الإسلام. والإسلام ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو دين جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام كان مسلما موحدا، وعيسى عليه السلام كان مسلما موحدا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان مسلما موحدا. إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فجميع الرسل جاءوا بالإسلام، الإسلام العام. وختم الله عز وجل هذه البعثة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالإسلام الخاص، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى بعده دينا سواه. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الإسلام، ومبني على إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى متابعة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالإسلام دين جميع البشرية، ليس دينا للعرب فحسب ولا للعجم فحسب، بل دين جميع الناس الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في هذا الإسلام، وأن يعيننا على العمل به والصبر عليه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، سبحانه الله سبحانه وتعالى notre reconnaissance envers ses nombreux bienfaits qui sont, comme il nous le dit dans le Coran, selon la traduction, indénombrable. Et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Il nous dit dans un autre verset, selon la traduction des sens du Coran: il a déversé sur vous ses bienfaits apparents et cachés. Puis sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire devant ses bienfaits de nous montrer reconnaissants. Et il nous a informé qu'en se montrant reconnaissants, il augmentera sur nous ses bienfaits, ses grâces et ses faveurs. Et qu'en nous montrant ingrat, ses bienfaits disparaîtront. Aussi, il nous dit subhanahu wa ta'ala sur la traduction des sens de ce verset: et lorsque ton Seigneur proclama, si vous vous montrez reconnaissant, assurément je vous ajouterai. Et si vous vous montrez ingrat, certes mon châtiment est douloureux. Sachez mes chers frères qu'après cela, nous serons jugés. Nous serons jugés après la mort, après la résurrection, il y aura le jugement. Et on nous questionnera sur ses bienfaits, comme Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le Coran, selon la traduction. Puis vous serez interrogés ce jour-ci sur les bienfaits. Et le meilleur des bienfaits, sans aucun doute, est le bienfait de la guider à l'islam. C'est le bienfait de cette religion par laquelle Allah Azza wa Jalla vous a honoré et élevé. Le plus grand bienfait, c'est l'islam. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le monothéisme pur. Le fait d'adorer une divinité unique sans jamais rien lui associer. Et ceci en suivant la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans son livre sur la traduction des sens. Certes, la religion chez Allah est l'islam. Et il nous dit également sur la traduction des sens. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, accomplit sur vous mon bienfait, et agréé comme religion pour vous l'islam. Et agréé comme religion pour vous l'islam. Ce jour, visé par, dans ce verset, c'est le jour de Arafat. Un des plus grands jours, si ce n'est le meilleur jour de l'année. C'était un vendredi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au pèlerinage, son pèlerinage d'adieu. Allah Azza wa Jalla lui a révélé ce verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Voici le plus grand bienfait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort si ce n'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait parachevé sa religion. Et par cela, il a complété sur nous son bienfait. Car nous n'aurons plus besoin après cela d'une autre législation, ni d'une autre religion, ni d'ajout, ni de diminution, ni de prophète après lui sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah et nous éloigne de l'enfer sans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'ait clairement exposé, enseigné et nous y ait invité. Et il n'y a pas un mal qui nous éloigne d'Allah, nous rapproche de l'enfer sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ait parfaitement exposé et nous en ait averti sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans son livre selon la traduction des sens, ce que les messagers d'Allah vous donnent, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon la traduction des sens, je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous y resterez cramponnés. Le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, ainsi que ma tradition, la voie, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on remercie Allah pour ce grand bienfait. L'islam perdurera. N'en déplaise à ceux qui tentent de le dénigrer et de l'altérer. Ce bien restera, il a pour biqiyam issa'ah, par la grâce d'Allah. Cette religion est préservée par Allah. Cette religion est préservée par Allah. C'est sa religion. C'est lui qui l'a légiférée et c'est lui qui nous a ordonné de l'adorer en mettant en pratique cette religion. Cette religion est parfaite et complète. Elle englobe tout le bien pour les serviteurs. Elle englobe tous les bénéfices pour les serviteurs. Il n'y a donc pas de place pour l'innovation. Il n'y a donc pas de place pour les ajouts dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit « Ittabi' wa la tabtadi' »« Ittabi' wa la tabtadi' »« Qad kufitum » Suivez et n'innovez pas. Suivez et n'innovez pas, cela vous suffit. C'est-à-dire, ce avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est suffisant. Il n'y a donc pas de place pour l'innovation dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Malheur aux innovateurs qui ajoutent des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pensant à travers cela se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment cela pourrait-il être possible alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de la manière la plus explicite, selon la traduction des sens, celui qui apporte une innovation dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, son acte sera rejeté, son action sera rejetée, Allah ne l'acceptera donc pas. Il nous dit également, et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Celui donc qui prétend que dans cette religion il y a des imperfections, et qu'il va venir lui réformer cette religion et ajouter à cette religion. Il a démenti la parole d'Allah. Al-yawma akmaltu lakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé ou bien complété pour vous cette religion. Cette religion n'accepte ni le changement, ni l'ajout, ni la dénaturation. C'est la religion qu'Allah a légiférée. Celui qui veut la prendre et obtenir la félicité et la réussite à travers cette religion, qu'il le fasse. Quant à celui qui veut enlever cet islam, il ne pourra le faire. C'est le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'y cramponne atteindra sa satisfaction et son paradis. C'est le chemin d'Allah, droit dans toute sa rectitude. Celui qui l'emprunte finira à l'agrément d'Allah ainsi qu'à son paradis. C'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. Allah nous dit dans le Coran, sous la traduction des sens, et celui qui recherche une autre religion en dehors de l'islam, ceci ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Tous les prophètes et tous les messagers, depuis le premier qui a été envoyé, Nuh alayhi salam, jusqu'au dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous venus avec l'islam. Ils sont tous venus pour dire à leur peuple, Ya Qawm, U'budillah, U'budullah, adorez Allah, unifiez Allah d'un culte sincère. Vous n'avez point de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorez en dehors de lui. Voici le meilleur des bienfaits par lequel Allah Azza wa Jal nous a honorés et avec lequel il faut vivre et agir pour être honoré et élevé. Si ce n'est, chers frères, hamidakumullah ta'ala, qu'il ne suffit pas de s'affilier à l'islam pour obtenir ce bienfait. Il faut savoir ce qu'est l'islam. Il faut étudier l'islam. Il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa salam. Comme l'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ceux qui les ont suivis. Ou bien ceux qui leur ont succédé et les ont suivis avec excellence. Il te faut te cramponner à cet islam, l'islam pur, l'islam avec lequel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas l'islam qu'on tente de nous faire voir ou de nous faire croire. L'islam est dans le Coran. L'islam est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, on le voit dans la tradition prophétique et dans la mise en pratique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui veut parler de l'islam, qu'il parle de l'islam avec lequel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas plusieurs islams. Il n'y a pas l'islam de l'Arabie Saoudite et l'islam de France, l'islam du Maghreb et l'islam de l'Afrique. Notre Seigneur est unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Qibla est la même, c'est Baytullah al-Haram. Notre prophète et messager est le même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il pourrait, le Coran est unique, c'est le livre d'Allah. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir avec cela plusieurs islams? Mais il y a plutôt l'islam du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il y a après ceux qui se sont égarés du droit chemin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve sur la vérité. Et parmi ceux qui se sont égarés du droit chemin, toute personne qui a innové dans la religion d'Allah, que ce soit Al-Khawarij, ceux qui rendent mécréants, les croyants par un grand péché, et ceux qui font couler le sang et le désordre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à cette époque, Al-Dawa'ish, ceux qui prétendent avoir l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes égarés, vous n'êtes pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les innovateurs qui amènent le mal, Al-Ikhwan al-Mufsidoun, la secte des frères musulmans, Wul-Mubtadi'a, ce sont des innovateurs et leur idéologie sème le désordre. Comme l'ont dit les savants, à leur tête, Samahat al-Shir, Al-Walid al-Allama, Al-Faqih al-Muhaddith, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Rahimahullahu ta'ala. Et parmi les plus grands savants vivants, Cheikh Salih al-Fawzan, Hamidahullahu ta'ala, et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hamidahullahu ta'ala, le grand savant de la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles des savants de l'islam. Ce sont les paroles des savants de l'islam. Al-Ikhwan al-Mufsidoun, Al-Ikhwan al-Muslimoun, Al-Mubtadi'a. Fa'iyakum wa tariqatuhum. Prenez garde à leur chemin. N'en déplaise à ceux qui n'acceptent pas la vérité. Et pour emprunter ce chemin, le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, sans innovation, sans ajout et sans égarement, il vous faudra de l'endurance et de la patience. Car beaucoup se sont unis pour dénaturer la beauté et la splendeur de l'islam. Mais cela ne nuit pas à l'islam. Il te faut te cramponner à cette religion. Il te faut l'étudier, la mettre en pratique, te montrer endurant, car les gens vont te dénigrer. Les gens vont t'insulter, ils vont se moquer de toi, ils vont même tenter de te nuire, de te menacer, peut-être même te faire du mal, plus encore, te blâmer, se moquer de toi et tenter de te faire délaisser la religion d'Allah. Tu devras te montrer endurant, tu devras te montrer patient et ne pas, après avoir été l'opprimé, devenir l'injuste. Espère la récompense auprès d'Allah. Espère la récompense d'Allah et contre toi patient et endurant. Et sache qu'avant toi les messagers et les prophètes, puis les compagnons ont été éprouvés avec bien plus que ce que tu supportes actuellement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa umirtu an akuna min al-muslimin. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Et dans surat al-Baqarah, Rabbana aj'alna muslimayni laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, du premier au dernier des prophètes, tous étaient sur l'islam. La reine de Saba, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. Comme le dit la reine de Saba, selon la traduction des sens, elle dit, ô mon Seigneur, je me suis fait du mal à moi-même et je me soumets, je suis musulmane désormais avec Suleyman, nous nous soumettons à Allah le Seigneur des mondes. Isa alayhi salam était musulman. Allah nous dit dans le Coran, قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Les apôtres de Isa alayhi salam ont cru en Allah et se sont soumis avec Isa à Allah et ils ont attesté qu'ils étaient musulmans. Yaqub alayhi salam, au moment de décéder, il a appelé ses enfants et il leur a commandé l'islam. C'est donc à Allah tabaraka wa ta'ala, auprès d'Allah azza wa jal que nous cherchons assistance. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالخير كله ويدفع عنا كل سوء ومكروه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.